quand ça arrive, c'est que c'est parti. Les passages et de la nuit. Tout n'est que conte pour enfants. Ah oui. Enfants plus ou moins crédules et contes plus ou moins sincères, mais... Mais oui, tout n'est que conte pour enfants. Et d'ailleurs, pendant que j'y suis, je voulais vous dire, il était une fois, etc. Complétez vous-même. Je ramasse les copies dans une demi-heure. Les passagers de la nuit vous accueillent, bienvenue. Ce soir, Claude Nior est au son, Marie-Ange Garandeau à la réalisation. Voilà une histoire pour l'histoire. Figurez-vous qu'on n'a pas trace de la voix de Walter Benjamin. Benjamin, le philosophe de l'œuvre d'art et de la technique. Pourtant, il a fait de la radio, en Allemagne, à la fin des années 20 et au début des années 30. Il a notamment écrit et réalisé des contes pour enfants. Philippe Baudouin a travaillé sur ce fond radiophonique, il est d'ailleurs déjà venu en parler ici. Et il y avait un comédien régulier, dans ses fictions, dont le nom n'était jamais donné au générique. Et si c'était Benjamin ? Il n'y a plus grand monde qui peut répondre aujourd'hui à cette question. Benjamin est mort en 1940, mais le diplomate et désormais écrivain à succès, Stéphane Hessel, a connu Benjamin. Alors Philippe Baudouin est allé lui demander de lever le mystère de la voix avec Véronique Lamandour et archives en main. Es ist also nötig, dass ich mir einen einträglichen Beruf suche. Suche? Die Rechtswissenschaft, das ist eine mühselige Straße. Die will ich lieber andere wandern lassen. Walter Benjamin a été donc proche, très proche de mes parents, aussi bien d'ailleurs de ma mère que de mon père. Alors, mon souvenir de lui est qu'il venait à la maison, et que nous avions le sentiment de recevoir un ami, un vrai ami, et en même temps un vrai penseur, et je dirais un penseur un peu complexe. Le petit garçon qui l'écoutait était à peu près sûr qu'il ne comprenait que le quart de ce qui était dit, qui était trop complexe pour lui, mais il avait cette aspiration qu'ont les jeunes à l'égard de quelqu'un, à celui-là, oui. Et ce que j'en garde, c'est que son goût pour les jouets se manifestait dès qu'il rencontrait un petit garçon, parce que pour lui, c'était ce contact avec ses propres souvenirs d'enfance, naturellement très important, mais aussi la juvénilité de la personne avec laquelle il se trouvait en contact. Das machen wir. Ja, Kasper, was reden Sie jetzt eigentlich? Sag doch was, Kasper. Il était un grand amateur d'histoires à raconter, et dans ses œuvres, naturellement, ça se retrouve. Il est certain que Benjamin, qui a eu un fils, qui s'appelle d'ailleurs Stéphane, comme moi-même, n'a pas été le père qu'il aurait voulu être. Il n'a pas eu les rapports merveilleusement simple et en même temps drôle qu'il aimait avoir avec des jeunes. Il aimait bien amuser, il aimait beaucoup les jeux de mots, il aimait beaucoup les petites blagues. Et évidemment, mon souvenir des quelques moments, pas très nombreux, où il était chez nous à la maison et où j'étais là avec mon frère et moi, nous profitions de ce qu'il y avait chez Benjamin de goût de l'enfance. Ja, die reden, ja, da wird sie euch wundern. Die unterhalten sich nämlich davon, was sich jeder, wenn er mal tot ist, am liebsten für seinen Pelz. Donc là, on est en train d'écouter un extrait de Radaum Kasper, Chahu autour de Kasper, et ce personnage, en fait, qui était en prise dans une fuite, les hommes de la radio souhaitaient absolument le faire venir avec eux à la maison de la radio pour qu'il parle au microphone, et Kasper n'a pas voulu. Et il se retrouve au zoo, où il rencontre des enfants qui lui demandent de traduire, de leur traduire le langage des animaux. In ein Försterhaus mitten in Wald kommen. Qu'est-ce que ça vous fait d'écouter ça? C'est un mensch. Alors, quand on a pas mal connu quelqu'un et qu'on entend parler, en général, on reconnaît la voix. La voix à la fois très distincte, très articulée. La voix telle que je l'ai entendue m'a paru en effet bien correspondre à la façon dont Walter Benjamin voulait exprimer une idée en la faisant en quelque sorte jouer entre les lèvres et la bouche d'une façon qui en rend toute la force. C'est pour cela, plutôt que par le timbre même, qu'est-ce que c'est qu'un timbre? On peut se tromper, j'aurais pu écouter quelqu'un d'autre et penser que c'était Benjamin, mais en l'écoutant, c'est la façon dont il utilise la langue allemande qui lui est très chère. Il faut reconnaître que c'était un grand amoureux des langues. Et l'allemand, pour lui, ça compte beaucoup. Donc, pour toutes ces raisons, je n'ai pas eu la moindre hésitation à dire « Oui, c'est bien Walter Benjamin. » Der hat sich sein Lebtag gewünscht, die Menschen einmal aus der Nähe kennenzulernen. Und nun möchte später ein Muff werden, in den ein kleines Mädel die Hände einsteckt. Qu'est-ce qui vous touche là, dans une écoute là? Oh, c'est sa façon d'être heureux d'avoir des enfants qui l'écoutent, n'est-ce pas? Et de pouvoir les rassurer. Oui, je vais vous expliquer. Le langage des singes est un peu compliqué, mais vous allez comprendre. Oui. Donc, une bonne volonté de sa part, évidente, un plaisir de sa part, c'est ça qui marque. Le plaisir même de duper un peu les enfants, de leur faire accepter des choses inexactes mais amusantes. Donc voilà, c'est quelqu'un qui se détend lorsqu'il y a des enfants, ça c'est sûr. Der Held dem jungen Affen trat eine Rede, in der ermahnte sich streng, et je vous raconte naturellement, comme je le fais toujours, l'aventure qui nous est arrivée à mes parents et à moi quand nous pratiquions le Bibelstechen, c'est-à-dire prendre un livre, pas forcément la Bible, penser à une personne, mettre un couteau à une page. Et quelqu'un dit, lis-nous la quatrième ligne du bas ou la dixième ligne du haut, et cette ligne s'appliquera à l'homme à qui nous pensons, et par un hasard quasi miraculeux, en pensant à Benjamin, nous avons lu une ligne qui disait, effectivement, sans, authentiquement, peut aussi, mais plus difficilement, être con. Et la phrase s'arrêtait à « con ». Et on s'est dit, pour Benjamin, c'est extraordinaire. Je savais par mon père que la radio était une importante nouveauté dans le Berlin des années 20, ou des dernières années 20, début années 30, que c'était une nouveauté qui intéressait son ami Benjamin, ça je le savais, mais je n'ai jamais parlé avec lui. Qu'est-ce que vous pensez de la radio? Qu'est-ce que ça vous fait? Non. Es ist die Stimme, die Diktion, die Sprache, mit einem Wort die technische und formale Seite der Sache, c'est la voix, la diction, la langue, en un mot le côté technique et formel de la chose, qui dans de si nombreux cas rend insupportables à l'auditeur les exposés les plus dignes d'intérêt, de même que dans de rares cas, le son parvient à le captiver pour les exposés les plus étrangers à ses intérêts. Voilà, on va écouter un second extrait. Cette fois-ci, il est question de la foire, de la fête foraine. Oui. Et Casper rencontre à l'entrée d'un chapiteau, un forain, où se trouve justement un manège. Et Casper veut à tout prix monter sur l'un des chevaux du manège. Il essaye de négocier le prix d'entrée avec la personne qui se trouve justement devant ce fabuleux manège. Das ist eine Fahrt kostet. 5 Pfennig. 5 Pfennig, oh. Oui, c'est pas cher. Und dann muss man danach raus? Natürlich, dann muss man raus. Einen Strich von oben nach unten, noch einen von links nach rechts und zum Schluss noch einen von oben nach unten. Macht 4. Macht 3. Macht 4. Macht 3. Macht 4. Macht 3. 4. Also passt 3. Auf, passt auf. Ein Strich und noch ein Strich. Und noch einer, macht 4. Macht 3. Vier, sag ich mal. Und noch ein Watschen. Und noch ein Watschen. So, es macht 3 Watschen. So. Ça se termine par une bagarre, en fait, cette scène-là. Comment ça a été enregistré, ça? Alors, ce qui est... Parce que qui peut s'intéresser à un débat comme ça? Ça paraît tellement futile. Mais franchement, la façon dont ces gens se disputent me paraît aussi assez exceptionnelle pour Benjamin. Je ne le vois pas très à l'aise, là. Oui, sa voix est bien sa voix, ça on la reconnaît, mais ce qu'il dit, ce qu'il fait avec ses barres, 1, 1, 3, puisque le 4 romain c'est 1 et puis 2 en forme de V, et que c'est ça qui fait 4 et non pas 3, c'est un peu puéril tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu opérer en se laissant enregistrer là par la radio? Ça me paraît, je dois dire, très proche des premier contact avec la radio, on expérimente peut-être, mais c'est pas très convaincant pour moi. Je suis plutôt déçu. Je me souvenais d'avoir entendu quelque chose, mais pour ce qui est du dit, ça me paraît un dit très insignifiant. Il est certain qu'il a toujours eu un énorme problème à communiquer sa pensée. Et... je suppose que pour lui, la radio était un des moyens, peut-être pas forcément très satisfaisant, parce que c'est court, on ne peut pas entrer dans les détails, il était l'homme des détails plutôt que des phrases toutes faites. Alors il a dû à la fois aimer la possibilité d'utiliser la radio et sans doute sentir en même temps les limites, car c'était quand même un homme de l'écriture, il faut le dire, il exprimait ce qu'il avait de plus important à dire, il l'exprimait dans des phrases, souvent utilisant cette langue allemande dans laquelle les phrases peuvent être complexes et multiples dans leur construction même. Quand on lit ses œuvres, on s'en aperçoit. À la radio, on est obligé d'être plus superficiel dans l'utilisation de la langue, et ce petit morceau sur le petit Casper montre que là, il a accepté de s'exprimer avec simplicité et sans essayer de faire comprendre quelque chose de très compliqué. Frag ihn mal, Casper, wie seinem Baby geht. Ja, ich werde mal fragen. Ja. Hat jetzt gesagt, es hat heute früh schon 10 Flaschen ausgetrunken. Habt ihr ja kein Baby. Ist ja nicht wahr. C'est typique d'une phrase allemande, déjà la première, rien que ça. Reflexionen zum Rundfunk. Walter Benjamin, 1930. Jamais un lecteur n'a refermé un livre de manière aussi décidée aussitôt après l'avoir ouvert que les auditeurs le font en éteignant leur poste de radio après les premières minutes de nombreuses émissions. Die Rundfunkhörer ihre Lautsprecher abschalten. Cela ne tient pas au fait que le sujet est éloigné de leurs intérêts. Dans de nombreux cas, celui-ci serait plutôt une incitation à écouter librement pendant un moment. Il suffit de réfléchir à ce que signifie le fait que les auditeurs, à la différence de tout autre public, écoutent ce qui leur est proposé chez eux et reçoivent la voix dans une certaine mesure comme un invité. Réflexion sur la radio, Walter Benjamin, 1930. Fröbelstraße. Dans lesquels je ne suis pas actif. Et donc, comme je ne peux pas être actif dans plein de choses. J'ai pas envie. Donc, je le quitte parce que ça ne sert à rien d'être simplement présent pour dire j'y suis. Je crois qu'il devait y avoir un truc du genre l'association de défense pour l'apéro. Ça faisait pas très sérieux non plus, même si je partage leur foi. Alors en groupe, je sais pas. J'ai pas beaucoup de groupes. Est-ce que j'en ai quitté? J'ai dû quitter, je crois, les amis de Fabrice Petulacci. Je crois que c'est Fabrice, le nom du policier qui était dans le sketch des Inconnus sur la police. Je pense que ça peut être intéressant aussi de rencontrer des gens de mauvaise foi. Enfin, je vois pas pourquoi il faut pas en rencontrer, en fait. Là, comme ça, il y en a pas qui me reviennent. C'est pas que je l'aimais plus, mais c'est que j'avais un peu honte. Parce que ça faisait vraiment branlot. Et du coup, je l'ai viré. Je vais pas tous les lister, parce qu'il y en a des dizaines où... pas la peine de les nommer, mais vous pouvez à un moment donné être intéressé par un groupe sur un sujet XYZ et vous apercevoir qu'en fait vous ne participez pas, et donc si vous ne participez pas, ça ne sert à rien d'être là en paradis. Donc, en même temps, c'est dès lors qu'on me laisse la lumière allumée en permanence, dès lors que Brichard Sejeu sera nommé Premier ministre, voyez, des choses comme ça. Ça touche aux libertés, très clairement. C'était pour pouvoir, à un moment donné, blinder la page Facebook d'un gouverneur américain qui s'apprêtait à... Donc je me suis fait amie avec ce type, comme des milliers de personnes, pour blinder sa page Facebook de messages de « s'il vous plaît », et que j'ai quitté aussi sec, évidemment, le lendemain, dès que le condamné à mort a été... il n'a pas été condamné, en l'occurrence, voilà. Mais ça s'appelle une vocation. Dès lors qu'on m'empêchera d'éteindre la lumière quand je l'aurai décidé. Et voilà, téléphone noir, c'était une question par téléphone, des réponses par téléphone, chose sans importance, donc évidemment capitale. Ce soir, la question était, y a-t-il un groupe Facebook que vous avez quitté? Et juste avant, Walter Benjamin à portée de voix, c'était Stéphane Hessel, face à Philippe Baudouin. Tout n'est que conte pour enfants, disions-nous. Dans le vinyle coulent les scènes, et faut-il qu'on s'en souvienne? Voici une recréation de La Belle au bois dormant. À partir de contes pour enfants d'il y a des années, sur disque, on y trouve les voix de Bernard Blier, Michel Morgan, Suzanne Flon, entre autres, Bidouille et Craquement de disque, Alexandre Luval, Angélique Thibault. Garçon, donnez-moi la main. Chut. entrant sur la pointe des pieds dans ce beau livre d'images. Là, ouvrant doucement la porte des rêves, avançant sans bruit et regardant. Que voyez-vous ? Une belle jeune fille blonde comme un rayon de miel, son teint est frais comme l'aurore. Elle dort paisiblement, une rose serrée sur son corsage. Elle dort depuis de longues années. Elle est la belle au bois dormant. Et ni vous ni moi, pour l'heure, n'avons le droit de l'éveiller. Vous allez connaître son histoire, qui commence, comme tous les contes de fées, par... Il était une fois un roi et une reine. Il était une fois un roi et une reine. Il était une fois un roi et une reine qui se désolaient d'être sans enfant. Après tant. Après tant. De longues années de mariage. Quelle joie pour la reine lorsqu'enfin elle accoucha d'une petite princesse. Vous pouvez imaginer leur joie. On organisa de grandes fêtes et on prépara un beau baptême. Commencer le festin. Il y a une petite surprise pour chacune de vous, sous la serviette. Une surprise, vite, allons nous mettre à table. Oh ! Une baguette d'or garnie de diamants. L'heure vint enfin pour les fées de doter leur filleule. La plus jeune dit: tu seras la plus belle. La suivante: tu auras de l'esprit comme un ange. La troisième: tu mettras une grâce infinie à tout ce que tu feras. La quatrième: tu danseras à la perfection. La cinquième: tu chanteras comme un rossignol. La sixième, enfin, tu... Il était une fois un roi et une reine. Et quel pourrave que Carabosse a fait dans la lettre. Mais, fils d'un... Pour tâcher d'éviter le Carabosse, l'homme ou les habitants de son royaume ont un fuseau chez soi. Un jour, il entreprit de visiter de fond en comble le grand château qu'elle habitait depuis sa naissance. Montant de chambre en chambre, elle arriva tout en haut de la plus haute tour et découvrit dans une petite pièce une bonne vue. Que faites-vous là, ma bonne femme ? Dit la princesse. Je file, ma belle enfant, dit-elle. Comme c'est joli ! Comment faites-vous ? Donnez un peu sur vous. Mais que je vois si j'en ferai autant. Elle n'eut pas plutôt pris le fuseau qu'elle s'en perça la main et tomba évanouie. On eût dit un ange tant elle était belle. Son évanouissement n'avait pas fait pâlir les couleurs vives de son teint. Ses joues étaient roses et ses lèvres comme du corail. Elle avait seulement les yeux fermés, mais on l'entendait respirer doucement, ce qui prouvait qu'elle n'était pas morte. Au bout de 100 ans. Ainsi, personne ne viendrait troubler le sommeil de la princesse et de sa cour durant 100 ans. Le fils du roi, qui régnait alors, vint à chasser par là et demanda quelles étaient ces tours qu'il apercevait au-dessus d'un bois très épais. C'est lui. Alors, le roi et la reine embrassèrent une dernière fois leur cher enfant et s'en allèrent du château endormi en compagnie de la bonne fée qui fit immédiatement pousser derrière eux tellement d'arbres, de ronces et d'épines entrelacées les unes dans les autres qu'en un quart d'heure on ne voyait plus que le haut des tours et encore. Ainsi, personne ne viendrait troubler le sommeil de la princesse et de sa cour durant 100 ans. Il ne laissa pas de continuer son chemin. Un prince jeune et amoureux est toujours vaillant. Il entra dans une grande avant-cour où tout ce qu'il vit d'abord était capable de le glacer de crainte. C'était un silence affreux. L'image de la mort se présentait partout. Ce n'était que les corps et les corps et la vie de la mort. Il ne comprend bien, mais pour donner à la fermière des Suisses qu'il n'était qu'un homme. Il passe une grande cour au pavé de marbre, un grand escalier. Il entre dans la salle des gardes qui étaient rangés en haie, la carabine sur l'épaule et ronflant de leur mieux. Il traverse plusieurs chambres, pleines de gentilshommes et de dames dormant tous, les uns debout, les autres assis. Il entra dans une chambre toute dorée. Et il vit, sur un lit dont les rideaux étaient ouverts de tous côtés, le plus beau spectacle qu'il eût jamais vu. Une princesse qui paraissait avoir 15 ou 16 ans et dont l'éclat resplendissant avait quelque chose de lumineux et de divin. Il s'approcha en tremblant et en admirant et se mit à genoux auprès d'elle. Dieu soit loué, c'est elle. C'est la princesse de mes rêves. Que ce baiser tendre et pur, Aurore, que je te donne avec tout mon amour, t'éveille de ce long sommeil où tu es perdu. Peu d'éloquence, beaucoup d'amour. Il était plus embarrassé qu'elle, et l'on ne doit pas s'en étonner. Elle avait eu le temps. Ainsi, sans ombre à son bonheur, elle put se consacrer à l'amour de son prince bien-aimé. Il était une fois un roi et une reine. Passagers, c'est la nuit. Et tout est bien qui finit bien. Ce soir, vous avez entendu Walter Benjamin à portée de voix de Philippe Baudouin et Véronique Lamandour, mixé par Claude Niort. Un Téléphonoir de David Christoffel, mixé par Serge Ristich et réalisé par Angélique Thibault, qui a aussi réalisé cette Belle au bois dormant qui dormait depuis longtemps, que vous venez d'entendre, d'Alexandre Duval, mixé par Cédric Chatelus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà les passagers de la nuit. Les passagers de la nuit sont préparés et coordonnés par Inès de Bruyne et Yael Mandelbaum, à la prise de son et au mixage ce soir Claude Nior, à la réalisation Marie-Ange Garando. Si vous voulez commenter, podcaster et écouter, allez-y donc sur franceculture.com à la page des passagers, et par ailleurs il y a Facebook et une page des passagers. Thomas Baumgartner, il était une fois. À demain.